and everything. Bienvenue. Welcome. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM. L'émission Nuisance avec je te laisse te présenter, mec. Moi je m'appelle Thierry. Salut. Quand j'étais gosse, j'avais un surnom de Jean Valboa. La cinq gosses qui ont pris la porte de l'école, j'étais semé au cul. J'ai été semé au cul. 2 ans en Balboa. Donc, je suis invité ce soir à Nuisance pour vous parler de l'apocalypse. L'apocalypse ne dépend vraiment pas de moi. Mais peu importe, j'ai fait le dessin de ce que devait être l'apocalypse en 89 dans une auberge internationale à Barcelone qui avait été créée par Warren Bartel, un membre de la bande Abader qui se laissait trompiter les couilles dans le film de Costa Gavras, section spéciale. Donc ce dessin, c'est ma rencontre avec la fille qui m'avait dit qu'il faut sauver l'eau. Avec le Dieu qui m'accompagne, j'ai dû aller prier, je l'ai laissé entrer tout seul. Et effectivement, j'ai eu le tonnerre et le déluge. Et maintenant, vous avez l'eau qui coule de source pour la paix des siècles et des siècles. J'ai donc réalisé le dessin de l'Apocalypse en mémoire d'elle, en l'attendant plutôt, au départ. Et donc, ça représente un cœur formé par 2 coups de flamant rose. On m'avait dit la couleur de Dieu était verte. C'est elle et moi buvant la source de Dieu. Dieu se diffusant de partout et par tous, c'est une volcanique, les deux flamants roses, dans la création terrestre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais ni comment ni pourquoi. J'ai été expulsé d'Espagne sans mes toiles, sans mon gagne-pain, non parce que je suis artiste de rue, et sans mon sac de couchage. Je suis allé voir un psy pour lui parler d'un problème que je n'avais pas compris. En principe, cette fille était au cimetière. Bam, lobotomie médicamenteuse. Et un jour, là j'ai perdu Dieu. Je ne vous dis pas comme j'étais mal. Un jour, je retrouve ce Dieu. Et ma copine, qui en principe était soi-disant morte, ressuscité dans un livre Ascra des zoophiles au réel. Là, j'ai sorti mon Yodgen. J'aurais jamais dû signer Greenpeace parce que c'est Lorraine. mine de rien, ça m'a fâché. Donc, ce que je voulais dire sur l'apocalypse, on a arrêté la recherche il y a 2 ans. Mais elle est de Madrid, elle parle français, des langues courantes. Elle est madrilène et elle grand des pattes de poitrine. Pour que l'apocalypse revienne, pour que je la retrouve. Femme, là, Dieu fera préjacteur. Mon petit ami, à moi, Emmanuel, pour le nom de Jésus, je n'ai pas vraiment accepté. Je ne me sentais pas aussi beau qu'un être pareil. N'empêche que j'ai demandé le Madrid à Greenpeace. Je ne sais pas, vous n'auriez pas remarqué une différence de goût dans le robinet. Je crois qu'elle est plus fraîche, non? Je crois que c'est la source magique du Bouddha qui coule dans vos robinets. C'est une source que m'a présenté un copain. Moi, personnellement, quand j'ai payé ma copine pour ce vélo, raccompagné à Toulouse, je me suis dessapé sur les ordres de Dieu. Je me suis baigné dedans. Mouille-toi la poitrine, t'auras le cancer. Mouille-toi la queue, la bite, toi, t'auras le sida. Un jour, je suis au pont irlandaise. Moi, j'ai défendu l'Iran. Fin des suicides abominables, alors que j'étais à l'armée. Elle avait décidé aussi 3 ans à vivre en principe. Elle a dit à mon Dieu, on va voir si tu m'as fait une bille magique. J'ai allé dans mon squat, j'ai couché avec elle. Et ben, 12 ans après, elle dit encore, et moi j'ai attendu 3 semaines, le temps d'incubation du sida avant d'aller faire une prise de sang. Ben je l'ai pas. J'ai pu recommencer avec une autre. C'est dommage. Merci. Merci à toi. Merci à elle. Merci à nous, quoi. Merci à tout. Merci à vous. Merci à vous d'être vivant. Merci à vous aussi. Donc, on est là pour parler de nuisance. Il y a un sale con, il n'y a pas d'autre terme, un barbu. Le barbu qui nous a sucré le RMI en 86 à la Réunion Nationale de Maisons de Chômeurs à Paris, en se faisant passer pour délégué de gouvernement. La Maison des Chômeurs est un mouvement qui a été créé par Maurice Paga en 1983 dans l'émission Droit de réponse. Que les chômeurs se prennent en main. Alors on a réveillé le coup. Moi j'étais très heureux de la maison des chômeurs d'Épernay. J'habitais un squat sans poêle ni fenêtre. J'avais un sac de couchage d'hiver. J'avais pas l'eau, mais j'étais toujours propre. J'avais une valise diplomatique. J'étais habillé en cravate et tout. Et j'étais invité à tous les pots d'honneur de Jean-Rémy Moitié-Chandon. On a Réunion Nationale de Maisons de Chômeurs à Paris, où toute la France débarque. Eh ben, votre revenu minimum, vous essayez dessus, vous attendrez 2-3 ans. Moi, dans ma petite tête, qui suis comptable, je me dis, bon, effectivement, le temps qui calcule combien ils peuvent donner, effectivement, ça demande quelques études. Et en plus, j'ai pris la porte à cause d'un putain de curé qui avait un centre d'accueil et pour qui je ruinais son œuvre. Moi, tout était d'accord. J'ai été dans une ville de droite pour vaincre son centre d'accueil, où on est pris 3 jours et on prend la porte, avec 3 patates et un bouillon cube à bouffer, avec que des poêles à bois pour chauffer la bouffe, et pour se chauffer l'hiver quand il fait moins 15. Des pâtes en bois cassées en la cour. Ça chauffe 1 heure, après il n'y a plus. Vraiment fantastique le type. À 60 Saint-Vincent-de-Paul, même pas capable de payer un ophtalmo à une fille qui allait devenir aveugle. Et lui restait 0,1% de vue d'un œil. Lui, j'ai tiens mon chapeau à son monsieur Appa. Et donc, j'interviens. Êtes-vous là-bas, vous avez de la conscience? Êtes-vous qui m'écoutez? Ne laissez pas faire la déchéance. Je vais dire, prenez les armes. Moi, j'ai été séduit quand j'étais gosse par 2 manifestations. Quand j'habitais Brest en Bretagne, j'avais 12 ans, c'était en 1974. La manif virulente contre la guerre du Vietnam. Croyez-moi, la guerre s'est arrêtée. Et une deuxième contre l'installation du porno. Et il y a plein d'autres trucs. Plein de choses qui vont pas. Je ne sais pas. Si vous avez un problème viscéral dans la tête qui n'arrive pas à passer, allez voir un psy et dites-lui ce qui vous tracasse. Vous pouvez être sûr que sans remède, sans qu'il y ait quoi que ce soit pour que ça passe, ça va s'arrêter tout seul. L'univers est devenu un gâchis. Et j'aime autant vous dire que mon père éternel n'est pas OK. Il m'a prévenu, je sais plus quand, il y a quelque temps, parce que je suis à son service, et Thierry, s'ils arrivent là-haut, ils vont recommencer. Moi, je me suis engagé auprès de lui, parce qu'il y a vol, viol, meurtre, crime, délinquance, guerre et pollution. Je suis à l'origine de la Fondation Greenpeace, j'ai dit, j'ai des l'écran. 74, Noël Dornenay. Venez voir notre film sur le massacre des baleines dans l'autobus impérial. 2 ans la Fondation. Participation aux frais. Là, je réfléchis à ma petite tête. Le cinéma, ça coûte 3,50 francs. Là, c'est une course pour j'ai au moins 5 francs. Eh ben, j'ai passé le sou. Et voilà. Comment ça a raté ma vie. Faut pas me démerder pour venir en aide de ce que je vais défendre. Le monde va bien. Tout le monde réclame des trucs pour ça. Moi, j'ai envie qu'elle mette à la mairie. 3 enveloppes timbrées au maire. 1 par la poste. 2 dans sa boîte aux lettres. Avec 1 enveloppe timbrée pour la réponse à mon adresse. J'attends toujours. Il y en a une aussi où, à la grand-mère, toujours pareil, avec 1 enveloppe timbrée, j'attends la réponse. Et le commissaire qui n'est pas son boulot. Je vais porter plainte pour tous les vols que j'ai subis bonne réponse et que le procureur de la République il écrira. J'aurais même alors, monsieur le procureur, je porte plainte pour le vol de ma chaîne de Dali 3m/5, pour le vol de mes deux dessins de La Rochelle, qui m'est valu un article de journal d'intérêt de page intitulé « Les couleurs de la ville ». Eh bien, je vais le timbrer, j'attends toujours la réponse. Et pourrait comme réponse, nous ne pouvons rien à votre problème. Au moins, on s'attend moins à quelque chose. Moi, j'ai été élevé sous le général de Gaulle. On s'est tous enculé gros comme une balise par Jacques Chirac qui se réclamait du lit général. Le général s'est pris mon éternité. On m'a volé un courrier où j'ai dit que l'euro, c'était l'équivalent du front d'après-guerre. Eh ben, voici ne va pas accepter que l'euro redevienne le front. Parce que si on fait $50 le sandwich, moi j'ai deux amis violés dont du arcade zoophile. À la première image, j'ai vu comme un trucage. Mais la dernière, je suis devant le panneau. J'ai sorti mon hôtel officiellement. J'ai tout claqué! 15 morts! Tous les responsables. Ben, comme il doit au courant d'Angleterre, que je crois quelque chose, et qu'il n'était rien d'autre qu'une des deux ou trois Jamie Lee Curtis qui ont interprété un poisson de Rwanda. Là, ça m'a rendu toqué. Et on s'abat! J'ai libre au cours ce soir. J'allais vous dire, vous voulez entendre mes gonzesses. Eh ben, elles m'ont répondu après une seconde, j'allais vous dire. Vous faites chier. Vous êtes bourré, vous êtes incapable de rien. Prenez votre vie en main, putain. Organisez-vous. Il y a des clubs, il y a un peu de tout. Eh ben, il y a les comités d'entreprise aussi. Et où mon canapé, je l'ai acheté quand j'en ai dans ton usine. Je vois pourquoi j'en changerais. Moi, j'ai besoin de bouffer avec mes gosses dans mes deux bras. Donc, tu payes que une nouvelle. Ben, je vais leur faire une lettre. Tu la recevras. Et c'est toi qui payes des cadeaux. Sinon, j'aide tout le monde. Que dans du comité d'entreprise. Moi, j'ai pour malheur quand j'étais gosse. J'ai vu un Père Noël à l'école. Ah, qu'est-ce qui est amusant. Mais lui aussi était très amusé par le sketch qu'il nous faisait. C'est au Maroc à sa fille. Peu après, mon père adoptif me fait écrire une lettre au Père Noël. Moi, j'ai demandé 3-4 trucs et je me suis arrêté là. Elle m'a dit, mais encore. Ben, j'ai demandé une grande voiture. Oui, une voiture à pédale. Et puis, c'est Noël. Et le lendemain matin, je me réveille et j'ouvre les cadeaux. Donc, en cadeau, j'avais une peinture miniature, une Bugatti à friction. Ben, je l'ai comme ça, moi qui vois une voiture à pédale. Ouh, le Père Noël s'est trompé. Eh ben depuis que j'ai pris un cadeau, le Père Noël, plus rien. 4 ans. Ah, j'en sais ma révérence. Ah ! Bienvenue, bienvenue, vous êtes parmi les fous purulents. Les fous moites, on est moites. C'est ça la moiteur des fous. C'est vrai, j'ai même ma porte, j'ai plein un bac du poing que je peux mettre dans la gueule n'importe qui. Parce que quand j'ai fait que ma copine, revue violée, était plus que pas pris un publicitaire, le poing est parti tout seul. J'ai transpercé avec blindé avec d'un coup de poing. Point. Ah ben bien. J'aurais jamais recommencé. Je me suis senti plutôt content de ma santé indemne parce que j'aurais pu me viander une chalosse. Tu connais J.P. Yeman ? Rastaman, le reggae man. Eh oui, vous allez sur YouTube et il y a J.P. Yeman. À mort YouTube. YouTube. Un tube. C'est dommage que je n'ai pas avec moi. Mais l'artiste est enfin reconnu. Je l'ai entendu à la radio. Il passe au festival de Carcassonne. C'est Hubert Stephen. Je sais pas, j'ai pas trop aimé son dernier album, mais peu importe, il s'occupe plus de moi. Il a une chanson qu'il a écrite sur moi, qui était sur une fille que j'avais rencontré qui était née en automne et qui m'avait dit qu'il faut sauver l'eau, elle était donc en danger. Stephen Truc-Trou. La chanson, c'est lui dans sa nuit d'un automne en danger, lui qui poursuit son puzzle déglingué. Lui, pense à lui. Son automne en danger, lui qui détruit son rêve inachevé. Nous venions du soleil comme des goélands, les yeux fardés du ciel et la queue dans le vent. Mais nous nous sommes perdus sous le joug des martiens. Dans ses bras desserrés, écorchés par le vent. Bienvenue, bienvenue aux morts. Dommage, il y a des vivants encore qui rôdent. La mort, c'est pour qu'on s'en serve, quoi. Il faut qu'on le devienne mort. Il faut mériter la mort. Parce que pour l'instant, on est vivant. On a que ça à faire. Tu vois ce que je veux dire? Dans la suite qui passe, c'est bon pour les gars qui font les travaux plutôt lourds. Mais on a besoin, les travaux. On a besoin d'eux. J'entends mon chapeau. Moi, je suis un incapable. Un incapable, soi-disant. Je peux pas travailler de plâtre ou de ciment. Et de toute façon, maman, si j'ai un travaux, au moment. Moi, c'est merde, toute l'administration militaire. Je fais que de la merde. Que de la merde. Ouais, ouais. Que de la merde. Oh yeah, baby, I wanna fuck you. Oh, may I please? Yeah, give me some money, okay? You got money, can I fuck you now? Moi, je sais pas. I want some money. J'ai eu les pires emmerdes du monde pour un entraînement au nunchaku sur une vitre blindée avec un nunchaku métallique. Ah, ça frappait plutôt dur. Finalement, j'ai cassé le chaos, j'ai fait un trou dedans et j'ai jeté mon nunchaku. Forcément, le manche était tordu. Autant tordre un nunchaku métallique, ils n'ont jamais dû savoir comment j'avais réussi. Je suis arrêté par les flics. 5 minutes après, pas d'arme du crime, pas de témoin, garde à vue. Aucun interrogatoire, garde à vue, j'ai le papier lendemain. Quelques mois après, je passe au tribunal devant le juge Fenech. Aucun état de fait. Non, au tribunal, je ne sais pas de quoi j'étais accusé. Je m'étais engagé à la ligne anti-édition de France par rapport à une manderie, je raconte après. Donc, le juge, je ne sais pas si on a de Gaulle, si vous avez quelque chose à rajouter, bah qu'est-ce que tu m'emmerdes, je suis de la Ligue d'Édition de France. 12 000 francs d'amende, 4 mois de prison avec sursis. Un trou dans un carreau. Et en plus, j'avais que le RMI à l'époque des francs. C'était 2100 ou 2200 francs par mois. Ah, ça ne fait pas beaucoup par jour. J'ai remboursé 200 francs par mois à l'État pour mon amende. Donc j'ai délégué probation. Et mon billet ? Bon. Je trouve refuge chez le psychiatre qui m'a foutu dans la merde et je lui paye son amende. Au bout de 6 mois, ce putain de psy me donne la cote rap rétroactive sur 6 mois. Alors j'étais plus de content. 3000 anciens francs qui me tombent dans les mains. Résultat des courses. 6 mois de pompe hospitalier à payer, plus l'amende. J'avais 100 francs par semaine pour manger, boire, fumer. 15 euros. Ah, je mangeais que de la farine chez spécialiste des chapatis. C'est ce qu'on avait lors du retour à la terre. J'ai pas de spéciaux parce que la farine du supermarché, c'est de la farine animale. Et puis, bon, tirer, et ciao. C'est pas la mer à boire, la vie, non. Non, non, non. Et ma vie, pourtant, manque de sel. on m'a encore volé chez moi. Je réalisais des poèmes japonais, tous volés, absolument tous, si c'est pas bien. J'ai réussi à trouver un appartement grâce à mon ami des éditions du Corbeau. J'ai joué l'appart au nouveau pied de biche. Je rentre dans un parc que je savais vide. Le vigile de la société HNDCL. Vous ici, vous gênez pas. Eh bien, bien sûr. L'État. 3 mois d'allocation et RMI coupé. Déjà, le RMI, j'avais mis 6 mois avant de l'avoir. Je vais m'installer un peu, ça doit être pour ça. Je suis confus. Alors, Jacques Chirac a tué l'esprit de la route, a tué son monétarisme. On ne sait plus où on en est au niveau de l'argent. Il n'y a rien que pour bouffer, payer son loyer. EDF, ça va de soi. C'est pas trop cher. Mais c'est fermer sa gueule. Ça, je ne mets pas. Je vais vous donner un exemple de la route avec moi. C'est... J'ai découché pour la première fois de ma vie. J'avais 11 ans. J'avais appris qu'il y avait une certaine Noël étudiant qui habitait derrière le bar de chez mes vieux. Ça n'a pas loupé, moi, curieux, à la sortie de l'école. Je voulais savoir qui c'était. Je débarque donc derrière le bar de chez mes vieux à 5 heures du soir. Elle avait fini ses études. Je frappe à la porte. Elle m'ouvre. Et là, je dis « Ah, Noël !» Elle m'a invité chez elle, elle m'a invité à manger, et il y a eu un petit manque de chance, il y a un étudiant qui est arrivé avec des chambons. À tous les coups, il avait dit à la patronne de l'écho, du magasin écho, qu'il y avait des petits chats à la maison. C'était des chambons à l'éther. Je me suis donc endormi comme un loir. Et me suis réveillé le lendemain à l'école. Donc, pour quiconque a des portées de petits chats à noyer, de l'éther dans la nourriture, ils ne souffriront pas. Je voudrais prendre la parole pour annoncer à tous les connards qu'ils sont cons et qu'ils méritent la mort. Oui, à tous les connards et à toutes les connasses, vous êtes des merdes. De grosses merdes purulentes. Et pustulantes de foutre. Dieu, bordel de merde! Dieu! Certainement pas ici. Ah ben si, à moi. Mais j'ai un truc à dire. Je sais pas, je me suis mis à son service il y a environ 19 ans. Elle m'a dit la mission est réussie. Je sais pas ce qu'il voulait, mais il m'a dit c'est bonne chose. Mais il en a rajouté. C'est interdit à quiconque de faire comme moi. C'est pas toi qui rends service à Dieu, c'est Dieu qui rend service. Moi, j'ai rien à boire. Non, rien. C'est cinéphile, j'ai vu un tas de trucs. Ça a commencé très jeune. Déjà, il y a un film. Je m'en fais parisien avant le visionnage du spectacle ou le Pariscope pour savoir dans quelle salle il passe. C'est un peu avec Francis Blanche. Ça s'appelle Jeunesse d'un repas. J'ai jamais vu film plus écœurant de ma vie. J'avais 12 ans, j'ai réussi à le voir. Ma mère m'a envoyé me coucher et oh, c'est Francis Blanche. Elle me laisse le voir, j'ai 12 ans. Ça, c'est un témoin de 18. Désolé. Je sais pas, c'est Francis Blanche et le marché noir. J'en monte pas, mais il y avait un peu de tout. Et débarque un SS. Bois le repas, ouais. Ça fâche pas. Je leur dis simplement, ben voilà. Il y a eu un attentat terroriste en ville. Et il me faut deux d'entre vous. Mais vous avez tant de repas pour me les choisir. Et ils se tirent. Là, Francis Blanche, qui avait son marché noir, je sais pas, ils vont s'entre-déchirer la gueule pendant une heure et demie. Pour savoir qui sont les deux plus pourris d'entre eux pour être livrés au SS. Tout ce à quoi je pourrais pas ressembler. Et le premier film que j'ai vu au cinéma, j'ai pris à la sortie, j'y comprendrai rien. C'est mon film favori. Avec James Coburn, Irlandais, c'était une fois la révolution. 73 à Julian. Je sais pas, mais j'y comprendrai rien. Déjà, j'ai beaucoup aimé, mais en 78, je les vois ce que j'avais raté quand il est ressorti au cinéma. Je sais pas, faire la révolution mexicaine avec un Porsche quand on est chercheur d'or pour le faire. Je sais pas, j'ai perdu ma bande d'amis. J'ai essayé de les retrouver ce week-end. On s'est tous entubés. Je sais pas pourquoi. Vraiment pas. Parce que mon meilleur ami travaille pour la loi. L'INSEE. Je sais pas s'il continue encore. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il fait des enquêtes que je ne souhaite à personne. Ah bah, une des dernières fois que je l'ai marqué dans sa maison de campagne, il y avait un classeur sur la bibliothèque. Une agence qui a disparu toujours au niveau de 1300. Sherlock détective privé. Le dossier de la boîte. Bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net, il est 22h, nous sommes le 2 mars 2012, bientôt la fin du monde, peut-être le 21 décembre, peut-être 2012. Oh là là, oh. Oh, il faut attendre jusque là, merde. La fin c'est le monde. La fin justifie les moyens, oh. Ouais, ouais. Ah non. Ouais, je veux des moyens. Profit, argent, gain. Nous voulons prospérer, nous voulons gagner de l'argent, du fric, beaucoup de fric, du bonheur dans le monde avec du fric. On veut de la thune, du pèse, du flouze, on veut une sécurité financière. On veut des diams, on veut de l'or, on veut des godemichés platine. Et il y a ceci pour ce que tu demandes. Une fois, je suis tombé sur une gonzesse qui a même parlé de Dieu. C'est moi, pas qu'on parle de Dieu. Elle en a fait une image. Mais elle travaillait pour une boîte dont le classeur était indiqué pour obtenir des réductions d'impôts de manière légale aux grandes entreprises. Eh ben, elle a réussi son coup. C'est toi qui payes la note. Et vu le maximum de profit qu'ils font, ils se permettent jusqu'à 50% réduit sur un canapé neuf. Ils avaient pu avant ou quoi? Tout le monde est servi. Et vu le coût J'apprends à tout un système à changer. J'aimerais pour quiconque travaille à mi-temps qu'il ait une carte de bus gratuite. Oh, parce que 3 euros l'aller-retour pour aller bosser, se fâcher comme un con, pour nourrir sa femme, ses gosses et pas finir à la rue, c'est grave. J'ai eu ma démission de l'armée, j'ai été chez Michel Rocard, PSU, l'école j'ai pas autogestion. Je m'étouffe. Ça arrive. Ouais, ça arrive pas à tout le monde. Je sais pas pourquoi. Le créateur en personne a essayé de me supprimer la vie plusieurs fois. Une fois à la piscine, je m'entraînais au bar. J'ai rentré dans le grand bassin. Ouais, je voulais faire le crawl. Je sais pas. J'ai été aspiré par les fonds. Et j'étais en train de me noyer. J'avalais des coulées d'eau. C'était infernal. Et puis d'un seul coup, mes bâtons. J'ai vu un film apparaître, j'ai monté à la surface, j'ai entré dans le petit bassin, allez, 2 ans d'entraînement de plus, mais j'ai quand même réussi mon coup, bien que j'ai les poumons brûlés, j'ai recalculé. C'est peut-être pas le kilomètre, mais quand même, 800 mètres de natation au crawl en 16 minutes 30. J'avais gagné mon pari, je suis jamais retourné à la piscine. Moi, je sais pas, vous êtes de Toulouse, donc c'est un peu complexe de parler de ça. Je suis le gosse de Brest. Et il y a une chanson qui a été écrite sur moi, ça j'en suis persuadé, S74. Une chanson qui dure 10 minutes, une chanson du groupe Ange. C'est sur moi, ouais. Celui qui venait de notre galaxie. Je l'ai écrit à mon meilleur ami et témoin de mariage. Et Daniel, en fait, parce que j'ai commis un appareil son fils, ton fils est invité chez moi au paradis pour qu'il parle à mes parents de ce à quoi je ressemble. Je vais pas me tuer. que soit clair. J'ai été noyé de 1050 vies de paradis. Quand Satan, le diable, a débarqué sur la terre. Je sais pas où m'a lavé le cerveau, parce que Dieu m'a raconté que mes vies avant Jésus-Christ. Eh ben, je sais pas si vous avez entendu parler de la Judée, mais en principe, je m'appelle Jude de Judée. So we're gonna waste everything tonight. You're all gonna waste. Bon débarras. Vous êtes dans le débarras de l'enfer sur terre. Débarrassez-vous de l'enfer sur terre et vivez au paradis, le bonheur, la joie, la beauté, la gloire. Et la clémence. Patrie, les enfants, la famille, la famine, l'infamie. Et la surpopulation. Suicidez-vous tous, les uns les autres. La surpopulation, je sais d'où vient le problème. Quand j'ai 4 ans, chez moi du Maroc, j'ai fait un dessin sur le tableau noir avant, au lieu d'aller à la récréation. J'ai dessiné ma famille, un couple et 3 gosses. J'ai pas de moi, tout le monde en fait autant. Vogon, Bonnecacha, Ola, Kena, Wadog, Burkino, Bala, Chuku, Puchuku, Bunu, Bala, Chuku. Bienvenue dans le monde de la merde, ambiante et ambulante, pimpon. Vous avez gagné le pompon ce soir, vous allez vous faire passer pour Pimpin, un chien mort. Passez-vous pour Pimpin. Oui, vous passez bien pour un Pimpin, car Pimpin est un chien mort. Paix à son âme, Pimpin. Vous entendez les chiens morts dans votre âme crier, ululer, pulluler, et vous pustuler la purulence. Vous êtes bien brave et bien bon de travailler tous les jours comme des merdes pour vous payer une maison et de quoi vous foutre en l'air. Bravo! Vous avez gagné le grand tirage annuel de l'équipe nationale de Fast Fist Fucking Anal. Vous aurez droit à un essai gratuit avec le président de la République. Vous pourrez fister le président Fastly. Fastly and furiously fisting the president. Let's fist the president together. Let's fist the president together. Let's fist the president together. The fist in the president's ass. Fist, ass, fist. Ass, fist, president. President, ass, fist. Fist, ass, president. Fist the ass of the president. the president of everything. The president needs a fist in his ass, or in her ass, or in its ass. I should say, let's fist the president's ass. Let's fist the president's ass. Let's fist, let's fist, let's fist, let's fist. Let's fist the president's ass. Let's fist the president's ass. Let's fist the president's ass. Let's fist, let's fist, let's fist, let's fist. Let's fist the president's ash. Le président ash. Ah ben me voilà bien moi mon ami Pierrot. Ça veut dire la cendre. Pierrot c'est moi. Ash ça veut dire la cendre. Ash, ash ça veut dire la cendre. Ah je ne savais pas. Les cendres c'est the ashes. Ah ben bien. Moi perso quand j'ai connu Toulouse, je connaissais depuis 83 mais je suis revenu en 89. Et donc j'oblige. L'espèce de con avec qui j'ai réalisé la scène de Dali, qui me cassait les couilles rue du Thor alors que c'était, on n'avait pas marché, on avait déjà toute la journée, et là j'ai mal au pied. Il n'y avait pas un bar, pas un hôtel, pas un resto. J'arrive à débarquer Arnaud Bernard, lieu des fêtes, avait eu. Je repère un petit restaurant mexicain. On était 200 clients. On mange à tous mes pas. Le repas fini, poli, je me retourne vers le patron. Excusez-moi, on peut payer de votre resto? Ah bah oui, bien sûr. Ah bah merci, le deux feuilles, le cône. Le lendemain, c'est compé réglo. Parasitage. Oh, quel enfer. Quel enfer. Quel enfer. J'ai eu affaire à un sosie une fois. C'était pas un sauvage? Ah non, c'était un brigade des stupes. Ah, c'était un sauvage. Non, c'était pas un sauvage. J'ai été arrêté avec un pot d'herbe de 50 grammes. C'est quoi l'herbe? L'herbe c'est la ganja. Ah, je sais pas ce que c'est ça. C'est interdit ça non? C'est dépénalisé. Non. Moi je fais pas ça moi. Dépénalisé ouais. C'est pas légal. C'est pas tabou. C'est dépénalisé. Mon cul, ouais. C'est-à-dire qu'on ne court pas après. Non, je suis pas d'accord avec toi. Non, mais moi, je... Non. Tu vois ce que je veux dire? Non. S'il y a pépin avec la drogue, c'est que les gens ont commis un délit. Surtout la drogue douce. Moi et mes amis que j'ai rencontrés en 89 ici, j'avais un restaurant où on venait manger, après ça roulait les cônes et ça allait de l'un à l'autre. C'est quoi un cône? C'est comme un con. Joint. C'est comme un con ou... Comme une conne peut-être. Bon d'accord. Non. Bon d'accord, d'accord. Pas d'accord avec toi. Je vois qu'on peut pas te la faire. Un cône en fait c'est une glace. Ah, on se voit comme dans un miroir dans le regard de l'autre. Hein? Si tu l'emmerdes, tu vas le découvrir. Deux. Trois. Voilà. Nous avons sauté le sujet de la drogue. Nous ne sommes pas une émission de drogués. Passe-moi un verre, s'il te plaît. Passe-moi un verre de vin, s'il te plaît. Nous ne sommes pas une émission de drogués, ici. Nous ne sommes pas des camés. Passe-moi l'alcool fort, le whisky. Nous ne sommes pas des camés, ici. Nous ne sommes pas des sales drogués camés. Passe-moi tout ce qu'il y a à boire, là. L'alcool, je veux dire. Passe-moi l'alcool pur, l'alcool à 90, là. Ouais, qu'en frais, ouais, super. Et ensuite, nous ne sommes pas des gens méchants qui buvons de l'alcool parce qu'on veut oublier le travail et qu'on bosse tellement, qu'on trime tellement fort qu'on veut boire. Et vas-y, non, on n'est pas comme ça, nous. Vas-y, passe-moi tout ce qu'il y a à boire, là. On n'est pas des sales camés, nous. C'est pas ce que je veux dire. Ouais, pas essayer de calmer la cam, c'est ce qui marche pas chez les stupes. Ah, je sais pas, j'ai jamais touché à un stup. Moi j'ai été visité par un stup quand j'ai été arrêté 50 grammes d'herbe. Il a regardé le pot d'herbe, il a fait au beau bout de la locale, ouais. Regarde mes veines, se drogue pas, se retourne vers les bœufs de l'autoroute, il en fait comme ça. C'est en 83. Bientôt, tonton Mitterrand va légaliser tout ça. Et il est parti comme il était venu. H, j'ai décroché le téléphone. C'était pour te faire chier en fait, c'est ça, c'est obligé. C'est la seule explication possible. Ben, avec qui au téléphone? Quoi? Ben, avec qui au téléphone? Ah, y'avait personne, j'ai juste mis le téléphone pour faire chier quoi. Ouais. Mais même cassé le couille. Bah ouais, j'ai... non mais c'est évident. C'est pas une nuisance pour pas casser les couilles, je veux dire. Pas de cassage de couilles. Voilà, c'est bien mieux. L'amour, l'amour. La mort, la mort. L'amour, la mort. La mort, on aime plutôt de que la l'amour. Vie à la mort. Je préfère la mort que l'amour, mec. J'aime la mort. Plus que l'amour. Peut-être parce que je comprends pas ça. Enfin, les deux, je veux dire. Il y a une conversation intéressante sur le sexe d'enfant en ce moment, là, dans le bocal. Pas la plus grande conversation intéressante que j'ai entendue de ma vie, mais... Il y a des choses ennuyantes sur cette terre. L'espèce de crâne avec qui j'ai réalisé la scène de Dali s'est cassé tout seul avec le dessin. Il y avait les deux Anglaises que j'ai accepté de travailler avec nous en Italie, car je laissais partir seul car j'avais un test d'identité. La scène, 3m05. C'est soi-disant prise une brasse de pluie et l'a réenroulé à sa moitié déchirée et l'a rescoté comme il pouvait et lui ont fait le monde de 7500 francs. Ce gros con baiser jusqu'à l'extrême. Bah, son seul truc, c'est de baiser la femme des autres. Ce défait bien évident, je lui avais dit que je prêtais pas ma femme. Il a prêté sa femme à certains bombis, dessinateur de rue. Elle s'est cassée le bombier en question et avec toutes ses collections de glaciales. C'est cas-là, mon gars. Non, non, c'est pas possible. Non, faut comprendre. me dois plutôt gros. Réalisation et vol de quelques corbeilles de fruits de Caravage. L'œuvre impossible. Réalisation de la collision Saint-Pierre. 2m13 sur 2m80 environ sur toile à La Rochelle. Le service du Jacques. Le crèche de Saint-Jean-de-la-Croix, la Duchesse de Bonaventure, ma Marie de Monod, un très beau garçon bleuté. Pour voler. Dans le plus grand mépris de la police. Dernièrement, je dois aller à la maison des avocats. Je débarque à la cour d'appel. Maison de l'avocat fermée, je l'ai dans l'os. Donc, je suis à la cour d'appel. Pour porter plainte, s'il vous plaît. Allô, commissariat. Je débarque au commissariat. Alors, déjà, je comprenais rien à ce que je disais. Ils m'ont défoncé, mon. Me dit d'écrire ma plainte. J'écris ce que j'ai à réclamer. Pas dans un bureau, reviens me voir. Voilà l'adresse. Vous écrivez au procureur de la République, 12 allées du caisse ou 2, je sais plus. Il écrira. J'ai envoyé un courrier portant plainte sur tous les vols que j'ai subis avec une enveloppe timbrée pour la réponse à mon adresse. J'attends encore. Vraiment, la loi, c'est chapeau. Et c'est un con devient délinquant. Il y a des dessins d'humour que j'ai fait il y a long. Il y en avait un, c'était pour mon meilleur ami qui travaille pour la loi à l'INSEE. On n'échappe pas à une enquête INSEE, j'aime autant vous le dire. Il y en a plein de dessins, là. Il y en a 80 planches de 3 dessins, je me rappelle plus ce que je voulais dire, parce qu'on m'a lavé le cerveau, fait pas les fonctions mémorielles, nettoyer le cervelet, fait pas les fonctions animales, je sais pas comment ils font. Mais en tout cas, mon Dieu m'a assuré que c'est pourquoi il m'avait embauché avec réussi. Vous en connaissez, vous? Beaucoup de mecs assis sur un banc avec son pack de bière pour tenir la journée à rien foutre. Non, parce que, mais ils sont terminés, c'est tout. Visite du contre-espionnage français, la sécurité chef d'État. C'est toi, ça va? Bah oui. Ben, fallait. avec des amis. On nous l'a mis dans l'eau, je ne sais pas pourquoi. Donc, on l'a eu dans l'eau parce que moi, j'ai le droit de fumer par les scripts et demander à un caméraman de me filmer à rouler un joint. Alors je roule le joint devant ses yeux et m'a coupé avant je finisse. Je devais lui rajouter, c'est pas que le tabac qui se donne. Et ensuite faire le tarif. Là c'est grave qui aurait déjanté, parce que chez les miens, c'est mignon biscuit de shit. Bon, manco deuxième classe, ouais, mais c'est comme du bon. 15 euros. En Amérique, c'est un peu plus gros. C'est mon prix, c'est du noir. Mon ami Daniel, que je suis persuadé que c'est Lucien de Vendangeon. C'est l'enfer. Tout seul à la radio nationale. C'est l'enfer. Sur une radio concurrente. Je sais pas. C'est très simple, c'est Rodolphe et Heinrich. Heinrich, c'est en deux mots. Quand elle l'a enterré. Et coupe un mec en morceaux. Le passe au moyeu. Et il y a Rodolphe qui est là. Après l'avoir dit à ma reprise. Mais mauvais, c'est mieux. Ils sont là. T'inquiète, Rodolphe. J'ai mon échappatoire. Et il se coupe comme les bras dans sa pièce et s'envole dans l'espace. Et donc moi je suis le script de Dieu. Et moi ça fait un beau. C'est moi et mon meilleur ami, ouais, Heinrich qui parle, où on sert sa parole et l'univers qu'on rajoute. L'univers a rajouté. Je vous ai tout offert sur cette terre. La liste est longue et vous n'avez pas fini d'en faire le tour. j'avais entendu tout à l'heure sur Jules Aropin. Quand je fis ce film comme ce marché noir, le SS rentre à 11h, comme c'était prévu. Demande à ces sales cons. Alors vous avez choisi mon deux personnes. Le SS en elle. Ben, c'était pas. Ouais, vas-y. Le SS en fait. Vous pouvez rester entre vous. Les terroristes se sont rendus. Anaconda JP Yeman, de London, moitié Gascogne. Ses platines sont en granit, ses diamants sont en silex, c'est lui que l'on pointe de l'index, JP Yeman, le Reggae Man. T'es capable de manger des Inuits? Environ un mois ou deux, ils ont pris 30 000 chômeurs de plus. Le RSA, c'est le RMI tel que j'avais conçu en 86 à la maison des chômeurs. C'est pour les chômeurs en fin de mois. J'ai un copain arabe. Quel moment, sur la montant, j'ai mon coupé le RSA. Qu'est-ce que je dois faire? Et moi, je vais appeler pour. Ben, je t'inscris à l'NPE et vous remettre ton objectif. Thank you. you'll fuck. You wanna fuck? Ah, let's fuck, baby. I wanna fuck too. Oh yeah, baby, that's so cool. Let's fuck. Fuck again. Let's fuck forever and die fucking. Yeah, hate is everywhere, man. Hate is everything. Hate, yes, hate. La haine, c'est tout, man. La haine, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Alors, la haine de la part de mon copain Lucien. C'est tout la haine. La haine. Et la haine d'un autre, d'une autre. La haine d'un autre, d'une autre. De la part de mon ami Lucien. Toujours haïr quelqu'un. Haïr, haïr, haïr quelqu'un, merde. Mon ami Lucien qui fait des enquêtes que je ne souhaite à personne. C'est des enquêtes avec des sondes anales dedans. Non, ça c'est moi qui ai les sondes. C'est pour mon cul les sondes, c'est ça. Non, c'est pour mon cul. C'est pour mon cul, hein, mon cul. Hein. Les sondes anales. Ouais, sondez-moi analement les keufs. Ouais. Putain, ouais, sale keuf. Ouais, bon, c'est bon ça. Ouais, c'est cool, comme ça je peux boire une sirotée de verre et rien du tout. Rien ici. Je mérite la mort. Ah non, j'ai su pour mon ami Daniel qui fait en quelque sorte à personne. Il a un mot bien à lui, c'est NAM. Non seulement ça veut dire nous, mais en plus, c'est la haine. Si tu as la haine, je veux en avoir un retour. Alors je voudrais poser un son là, je voudrais poser ma voix sur sur le beat. Alors je suis pas inspiré mais je vais y essayer quand même. Ouais ouais, ouais j'aime personne, la vie elle m'aime pas, j'ai envie de tuer un keuf, et tout ça pourquoi? Pour du fric bébé, je te déteste pour du fric bébé. Bébé, je t'aime pas, tu pues de la gueule, fais enculer, bâtard. Bébé, je t'aime pas, je te déteste, ouais. On va se faire enculer ensemble par le président de l'arrêt de mon cul public. On va tellement se fourvoyer, se le foutre dans le cul, le doigt perdu dans le cul. On va se torturer avec et jusqu'au bout de la nuit, on va crever, ouais. Pourquoi t'as pas mis plus haut que ton doigt ou quoi? Ouais, j'y suis pas là, merde. J'y suis pas là, je le sens, je suis pas dedans. Faut vraiment que je prenne quelque chose. T'as pas de la caféine par hasard? Eh ben non. Même pas chez moi. Merde. Merde alors. C'est tout pour moi parce que je mets le café. Mais malheureusement, les allocations de l'État, je n'ai que 80 euros par semaine. Soit le tabac, les feuilles et les deux briquets. Et deux boîtes de ravioli si je veux. Rien d'autre. On va perdre son briquet, quoi. Sinon, t'es dans la merde. Tu peux acheter de PQ pour ce prix-là? Non, je sais pas. J'ai une merde immense. J'attends que se crée un mouvement. Et encore, dis-toi, t'es blanc. Tu serais noir, qu'est-ce que t'aurais, quoi? Enfin, ça dépend. Trois négresses. Je dois être trois négresses et tout. Si je vois bien les choses, je crois qu'en France c'est grillé, mec. C'est mort. Tu peux laisser tomber, mec. Tu t'appelles Mousse? Ah. Ben c'est mort, mon ami Daniel, je vais écrire. Et où? Tu es où? Ben Oh, what up? T'as le visage de type négroïde, c'est ça? Ouais, ouais. Non, il y a des créoles là-bas. Un peu suivant. C'est mon vieux. Suivante. Non plus. Allez. Suivant. Non. Suivante. Non. Allez, allez, plus que ça, non. Est-ce que vous savez faire le café Vatican? Le café Vatican. Ah, déjà ça, c'est à une fin de repas ou à quelqu'un que t'invites à boire un café au bar. Et devant toi, et pour un café comme toi, et tu lui demandes s'il veut un café Vatican. S'il te dit oui, tu prends son sucre, tu le mets dans son café. Elle va te dire, t'es malade? Ben non, c'est un café Vatican, un pauvre con. Parce que le papier... Bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Ceci est une radio française et fière de l'être. La patrie avant tout, la famille en second et la vie après tout cela. Procréer, consommer, voter pour... Procréer, consommer, voter pour... Procréer, consommer, voter pour... J'ai beau avoir mes hyper à gauche, et je reste de gauche. La gloire, la patrie, la famille, la rose, la fleur anale, l'anus doré, la fange humaine, votons. Vous êtes des merdes, vous allez rester de la merde toute votre vie, votez pour moi. Parce qu'on vous méprise, qu'on vous prend votre thune et qu'on vous parle même pas. Nous, ce qu'on veut parler, à qui on veut parler, c'est au FMI. Ceux qui ont le fric. Ouais, Monsanto, viens ici, fric. Ouais. Votez pour moi parce que vous aurez rien. Que dalle. Et vous allez crever dans votre merde, comme des merdes. Et moi, je serai le roi. Ou la reine. Quand je pense que quand j'ai eu ma démission de l'armée, un matin, j'ai marqué au bar d'Anton. Chez Tonton, s'appelait un petit gros, hein, et s'appelait Tonton. Et donc, il y avait un monsieur très bien qui vivait avec la patronne de la Saint-Vincent de Paul. Et que pas venir militer avec nous et faire le BRB. J'ai dit non, j'ai pas pu m'en empêcher. C'est bon. J'ai dit tout sérieux, je vais être baisé. Et j'ai mis des masques et des corses. On voudrait remercier l'invité de cette émission, toi-même. Merci. Merci à toi. Sinon, j'ai oublié. Thierry. Et on voudrait remercier mon trou du cul aussi. Merci, mon trou du cul. Mon trou du cul, c'est ce qui m'inspire chaque jour à inspirer plus profondément et à vous livrer avec tant d'anticipation mon amour de vous. Je vous aime tant, race humaine. Je vous aime tant, espèce comme moi, quoi. Espèce de race humaine, espèce humaine, quoi. Espèce de pauvre con. Je vous déteste, en fait. Vous êtes que de la merde, moi aussi. Allons se faire enculer par la société. parce qu'on veut pas crever comme des merdes. On n'a pas d'imagination, alors on veut un boulot pourri avec une femme et des gamins et un chien qu'on peut enculer le week-end quand les gamins et la femme est partie se faire sodomiser par le facteur ou la factresse avec un gun mis chez ceinture. La vie sur terre en être humain, c'est de l'hypocrisie, parce qu'on n'est pas humain, on est de la merde. On devrait dire la sale espèce merdique, la sale espèce de merde qui pue, c'est nous, ouais, et on est vaniteux de l'être. Sinon, à part ça, à neuf, quoi, que dalle. Dap. Ah oui, annonce, la semaine prochaine, renseignez-vous, enfin, vous êtes renseigné, quoi, à partir du 7, labo, sonore, nos rythmes, nos harmonies, petits sons, bienvenue, écrivain, écrivaine, vocaliste, au pavillon sauvage, laboratoire, Sonic. Excusez-moi, je suis cinéphile, j'ai vu des affiches d'un film qui me plairait bien de voir. J'ai pas les sous pour y aller, c'est dommage, mais c'est Le Territoire des Loups. Et ce que je peux vous dire, c'est que si les loups sont sous la neige, c'est qu'ils veulent prouver qu'on peut vivre dans le froid. Homo lupus, du latin homme loup. Le marquis de Sade a bien des années devant lui, avec une société critique, mais plutôt cynique et hypocrite. Cynique dans le sens néo du terme, le sens complètement caduque qui n'a rien à voir, le glauqui. Cynique est un pauvre. Au départ, chez les Grecs, c'était un pauvre indigent qui laissait tout tomber et qui crachait sur le monde. Maintenant, c'est devenu le monde du fric, le cynisme. Merci les anciens d'avoir travaillé tant pour nous ouvrir la voie. Et merci le Viagra pour mon cul. Moi, je comprends plus ce pays. Des gens me coupent les pensions sexuelles, ils sont pas leur coup d'essai. Quoi, sexuel ? Je vais voir mes médecins pour leur donner du Viagra. Alors, ils me prescrivent une boîte. Je débarque à la pharmacie. Ils me font ces 37 euros les 4 pilules. C'est un peu cher. Ouais. Je débarque à une pharmacie pour la même chose. Montrez-moi la boîte de Viagra que je vois le prix d'ailleurs. C'est qu'il n'y a pas de prix. C'est qu'il n'y a pas marqué le prix. C'est 50 euros quand même. Ils me prennent pour une bille ou quoi. Ils sont 13 euros, c'est comme les apôtres et Jésus. C'est pour baiser l'amour, l'amour, la gloire et la beauté. L'amour, l'amour, la beauté de la jeunesse. Baiser quand vous êtes jeune. Bah maintenant, vous pouvez baiser quand vous êtes vieux. Vous pouvez être beau quand vous êtes vieux. Parce que maintenant, on a enlevé les rides avec le Botox. Vous pouvez faire un nouveau vagin, un nouveau trou du cul, même une nouvelle bite à l'âge de 70 ans. Vous pouvez avoir une vie vigoureuse et longue. Extrêmement longue, jusqu'au terme de l'humanité, vous pouvez vivre grâce à la génétique, payer 24 milliards de dollars et vous serez le seul homme ou femme, vous serez la seule femme, seul être humain, peut-être deux, si vous avez 48 milliards de dollars, ouais, ou milliards de yens, ou de milliards de Saigon, dollars, ou China, ou Africa, fuck the Negroes, I mean, fuck the poor. Let's just fuck the poor. Let's take the poor and fuck them. Yeah, let's fuck the poor, man. Let's take the poor and fuck them. Yeah, once more. Once more. One last time. Oh, no. One last time. Not one. Not last. This time. And once again. Fuck the poor. Fuck. Let's fuck the poor. We are the rich. We can fuck the poor. Yeah, butt fuck them. Fuck them in the ass. Yeah, baby. Let's fuck the poor. Baisons les pauvres. Niquons-les. Prenons les pauvres, tombons-les et fourrons-le. Fourrons-le, l'appareil, dans le cul. Dans le cul de ces pauvres. Il paraît qu'il y a des pauvres, ils ont muté, ils ont deux trous de balle maintenant. Super. Pardon, mais je suis mort. Oh pardon, je te coupe le moral. Je te sape le moral. Excuse-moi. Bah... T'as pas l'air inspiré, là. Non, c'est pour ça que je te remplace. Moi, pas de truc, c'est que mes souvenirs que je racontais ce soir. J'en ai un beau. J'ai vu mes chaînes en photo dans le journal. Et c'est pas lui. Parce que j'ai vu encore dans mon journal une photo de mes chaînes. Ah bah, il est pas moustaché à la barbe. Ah ouais, tu veux dire qu'il a pas changé de gueule avec de la moustache, fausse barbe. J'ai vu encore dans la dépêche du midi, le torchon local, que il y a une photo d'un soi-disant mécène bedonnant qui sera à sa 23e année de prison. Ouais, mais tu sais, il y a eu des photos d'Elvis Presley quand ils l'ont trouvé dans le désert du Nevada, tu sais, enterré dans une marmite chaudronnée avec plein de cocaïne et des tonnes de flouze. Tu sais, ça préserve le flouze. C'est la thune. Alors ils ont pris Elvis Presley, ils l'ont foutu dans un cercueil en verre avec du flouze, et du coup le mec il s'est hydraté avec le flouze, tu vois, parce que le mec c'est une machine à flouzer, quoi. Et donc il a flouzé tout le monde et tout le monde a la loose maintenant. C'est bizarre, c'est l'année 2012, ça tombe bien. Hein, je pense. Enfin, c'est tout préparé. C'était beau, non? C'est de la poésie. Ouais, c'est de la poésie. Je connais mon texte par cœur, hein. Tu veux que je te le ressorte? Alors c'est Elvis Presley dans le désert, dans un cercueil en verre avec du fric. C'est le fric. Et ben Elvis Presley, il se nourrit du fric, tu vois. Et donc il vit pendant des années dans son cercueil en verre. Le fric, c'est chic. Le fric, c'est fantastique. C'est comme le plastique, sauf que ça se fout pas sur la queue. Ça se fout dans le cul. On peut se torcher avec, tellement on a du fric. Ouais, nous on prend les homards, on les jette par la gueule des pauvres. Après qu'on les ait bouffés, ces pauvres cons, ils bouffent l'écorce, là, ils bouffent la carapace des homards. Ils lèchent notre morve. Ces pauvres. Dans un dessin écrit riche, même pas une question sur la misère. Elle dit c'est pas le reste du cœur ou la banque alimentaire le problème. Moi si je gueule, c'est parce que j'aimerais retrouver le pouvoir d'achat du RMI en 89. Ah, le bon vieux temps, le pouvoir d'achat du RMI en 89. 89. Quel bon vieux temps, putain, vous vous rendez compte, les gens? Là, on est en train d'être nostalgique du RMI, les gars. Non, mais là c'est ce qu'on appelle la société française humaine. Là, on y est, là. Alors, on est nostalgique de 89, c'est ça, 89. 1989, the RMI, 1989. My God, that was so cool. That was fucking cool, man. I had money up to my fucking gills. I was... buried in money. J'étais enterré dans l'argent. J'avais du fric partout. Dans la baignoire, dans la douche, dans mon jacuzzi, dans mes chiottes. 89 et son RMI. Putain, c'était bon, ça. Ça, c'était bon. Dans mon caca, j'ai beaucoup aimé derrière moi. Je sais pas qui j'ai affaire. À une folle. Je voulais du lavage de cerveau. Perdez-nous vos chemins moyens. Ulcère l'estomac, nœud à l'estomac, les reins en vrac. Putain, tu fais encore plus petit que moi, merde. Le dos en vrac. Ah, m'en parle pas. Ouais, qu'est ma succès, sont toutes une bande. Il y en avait une qui m'a dit travail. C'est un métier d'art italien, de quoi je me mêle. Je fais des dessins d'humour. J'ai réalisé une bande dessinée entière. 246 pages, 2-3 dessins représentant moi et Lucien. Sauf qu'on appelle mon prénom. Eh ben ça m'a été volé. Sans que je puisse efficacer là. La montre à lecteur. Oh, ça marche, ça veut dire quelque chose. Ouais. Pas que moi c'est ma fille glaciaire, si vous voulez. Ça me concerne tout ce que je fais. C'est bon, moi j'ai eu affaire à Dieu qui ne croit pas en Dieu. Moi, personnellement, j'ai kidnappé par des archanges. Et c'est mon archange fétiche qui va vous parler à travers ma voix. Donc, des fois, j'avais le blé à peine ce qu'il fallait, parce que je devais dégager en tête patelin du côté de Toulouse. Côté de Toulouse ? Ouais, du côté de Toulouse. On devait aller à côté, j'avais les sous pour le train, rien pour l'hôtel, et c'était un petit patelin où n'importe comment il n'avait pas. Arrivé 10 ou 11 heures du soir, c'était bien tiré, j'ai trouvé un abri. 3 minutes après, vous avez remarqué que tous les portes sont bien marquées, les portes d'entrée. Pourquoi quelqu'un pourrait être ouvert? Eh bien, bien, ouvre cette porte. Elle était toujours ouverte, à l'abri du froid et de la pluie. Ben, merci, chérie. Eh bien, micro. Organiser des êtres humains qui vivent ensemble, ça peut être. Ah ouais? J.P. Yeman de Bakota Tunga, cousin par alliance de Papa Wemba, le chanteur de la rumba congolaise zaïroise. Mec, tu n'as plus rien. connais vraiment que bien peu de choses. Je voulais donner mon accord à Al. On est dans une vie de merde. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit sur Al? Une vie de merde? Non. Non. C'est bien ce que tu avais dit, on est dans une vie de merde. Non, j'ai dit que la merde c'était nous, tu sais. C'est ça que j'ai dit, tu sais. J'ai dit qu'on était de la merde. Non, c'est incroyable, vous avez pas compris mon message. Mon message subhumain. Oh merde, comment vais-je faire pour me faire comprendre maintenant? Peut-être que je vais devoir me changer en tortue ou en libellule. Tu es toujours en tortue, viens. Quoi, je suis une merde? Que tu es toujours en tortue, viens. Non, je suis de la merde. Moi, je suis de la merde, de la merde. Non, je crois pas. Si, si, de la crosse. Non, je suis humain. Ouais, t'as un mode de chine tout seul. Non, mais je suis humain, donc je suis de la merde. C'est normal, tu vois. C'est-à-dire, par exemple, si l'humain c'était vraiment bien, et ben on n'aurait pas Walt Disney pour nous rappeler que l'humain c'est vraiment bien, hein. On n'a pas besoin de s'en souvenir puisqu'on le saurait, tu sais. Non, non, on est obligé de s'en souvenir parce que c'est pas le cas, tu vois. On n'est pas vraiment bien. Désolé pour les contes de fées, c'était une connerie. Voilà, Hergé, Tintin, toutes ces conneries, et Walt Disney, aux chiottes. Mais réveillez-vous les gars, les gens. Vous êtes de la merde, on est de la merde, et les gens qui profitent de nous, c'est encore plus de la merde que nous. Et donc il faut les tuer. Il faut éliminer la merde, la filtrer pour la rendre pure. Donc éliminer la merde, ça veut dire prendre les plus pourris d'entre nous et les tuer. On va les prendre, les pendre par les pieds jusqu'à ce que leur sang coule par le nez et qu'ils s'étouffent dessus. C'est une bonne idée, ils vont crier ainsi. Et en criant, ils vont expugner leur gloire et leurs méfaits. C'est une indigence de souffrance même pour eux. Ils méritent bien pire. Ils méritent le cachot pendant 100 ans, mais on va pas gaspiller de la thune et de la bouffe pour les entretenir. On va les pendre par les pieds à un poteau télégraphique. Le western. Qu'on trouvera à Hollywood ou à Bollywood. On a le choix. Un poteau télégraphique où dans un film, un indien avait été tué avec une flèche et dans le cul, il s'était penché en avant et les blancs l'avaient enfourné. On se souvient très bien de ce film. Il n'en est pas un d'ailleurs. C'est une cigarette que je te passe, du tabac. C'est du tabac. Car le tabac, c'est bon pour la santé. Tout ce qu'on vous a dit jusqu'à maintenant, c'est de la connerie. En fait, ça calme quand t'es accro, le tabac, la nicotine. Ça calme quand t'es accro à la nicotine. Alors du coup, c'est bon pour toi. À présent. Ça calme et c'est pour les êtres anxieux. Humanité. J.P. Yeah. Man. Yeah, baby. I'd like to say something here. I'd like to say... Oh motherfucker, can I suck your pussy, dick, cunt, asshole, fuck whatever for money? Oh yeah, that'd be so cool, man. Spécial dédicace au DJ Jano Yeman, qui a mixé au Communard et qui a mixé à Ragtime. Et bientôt, qui va mixer Ogie Bogie à la dernière chance. Doggy ni bla chukum bogie ni. Barracuda dans le cul, bâtard de merde. Bâtard de merde à faire enculer, ouais. Eh mais je suis Boba. C'est pas toi, hein. C'est pas toi le bâtard de merde. Ah, t'es ouf, toi. Mais non, c'est sûrement moi. Non, c'est un bâtard. C'est sûrement moi. À mon avis, ça doit être ça. C'est intéressant ce son. Ouais, c'est sympa. Ouais, c'est bien, ouais. Je trouve ça vraiment entraînant. On dirait un rythme de reggae peut-être, ou peut-être un rythme lancinant d'un slow groovy funk discodélique. Oh yeah, oh yeah baby. Peut-être que Je ne sais pas. En tout cas... C'est un vase oxygène ou quoi? Il est 23h10, vous êtes sur l'antenne de Canal Sud 92.2 FM. Vous pouvez appeler, mais à cet instant présent, ce n'est pas le moment. Parce que je viens de décrocher le téléphone. Donc, vous pouvez toujours ne pas appeler au 05 61 53 36 95. Je répète, n'appelez pas au 05 61 53 36 95. Ceci est l'antenne de Canal Sud 92.2 FM tenue par l'émission Nuisance. L'émission qui nuit au sens. L'émission de toutes les nuisances. Ainsi va la vie, qu'à la fin elle se brise. C'est bientôt la fin de notre émission ce soir. Nous avons un gagnant. Quelqu'un est mort ce soir. Oui, cette personne a gagné. C'était... Ah bah c'était un hermaphrodite, c'était un gagnant-gagnante. Il est mort. À 13 ans. Elle est morte à 13 ans. Ainsi soit-il, en tout cas, ce gagnant, cette gagnante mérite un sort qui lui est rejeté par nous-mêmes. Nous rejetons la factuelle évidence que cette personne appartient à l'humanité, car elle était humaine, presque humaniste. Je dirais même qu'elle l'était. Merde. Ce contrecarre complètement mes plans. Oh, machiavélique. Si, machiavélique. Pour vous prouver encore une fois et une dernière, j'espère. Oh, oui, j'espère. Comment et pourquoi l'humanité, c'est de la merde et qu'il faut la buter vite, surtout les riches. Oh, ce rythme lancinant est toujours là. Quelle munificence pour nous. C'est même très munificent, je dirais. C'est une munificence même, en ce moment-là, qui se passe. Les riches. Moi, j'ai un tel feuilleton quand j'étais gosse. Mais je dois dire que j'ai adoré. Comment ça va, ce feuilleton? Je me rappelle plus. Le riche et le pauvre. Non mais si vous voulez 30... Ah ouais, le métro finit à 1h. Ah, vous avez le temps. Ouais, il y a le temps. Il y a le temps. Et pour ouais, ce qui parce est, que comme JP Yeman, Thiro, nous sommes à la place Arnaud Bernard. Planète Toulouse, or not Toulouse. Perdre ou ne pas perdre la face dorée par la nomenclature. Arnaud Ben. L'art est peut-être là pour vous salvafifier dans l'anus, le cul. Et les pieds. Tout en fistant, donc je disais le président ou la présidente peut-être de la territoire Etres Aventers de mon imaginatoire émancipation. Libération. Alors, j'ai été émancipé à 17 ans. Moi aussi j'ai été émancipé. Carrément à 17 ans pareil. Non, j'étais à 16 ans moi quand j'étais émancipé du cul. Pardon, tu parlais pas du cul. Je parlais du cul, moi. Non. Ah merde, excuse-moi. Je parle des droits de vote. Ah merde, les droits de l'homme. Putain, merde. Je sais pas parler des droits de l'homme, moi. Ça va être dur. Je sais pas, j'ai mon meilleur ami qui m'a fait savoir si les votes blancs étaient pris en considération. Un mot m'a dit non quand je me suis interrogé. Je sais pas du travail pour la loi. C'est dans mon registre qu'elle a enchaîné. Hein? Que ce soit l'un ou l'autre, le travail sera fait quand même. Ouais. Excuse-moi, j'ai rien écouté. Ouais, c'est dommage. Excuse-moi. J'ai pas rien écouté, j'ai rien écouté à l'instant, en fait, pour être précis. À l'instant. Je cette personne me gêne parce qu'elle est un tricheur. Parce que je suis un impuissant, c'est ça? Non. Parce que quoi? Non, sérieux, sérieux. Quoi? Non, cette personne me gêne. Oui. Parce que. J'ai rien qui me vient à l'esprit. Bah mince, tu viens de me dire un truc pourtant. Ouais, mais c'est besoin exactement et c'est pas de t'être impuissant. Oh, c'était pas important alors. Non, l'insulte. Ah, mais non, mais c'est pas une insulte d'être impuissant. Mais je ne bande pas parce que j'ai. Factuellement, évidemment, actuellement, je ne bande pas. Je suis donc un impuissant actuellement. Tu vois, c'est comme ça que je le disais, je veux dire. Je suis pas en train de bander à chaque instant. Je suis pas impuissant chaque instant. Non, je suis un impuissant seulement maintenant parce que je ne suis pas en train de bander, quoi. Ouais, bah c'est un autre homme. Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Je pourrais être entre moi avec mon chien et je pourrais être en train de bander. Non, ça n'a rien à voir, ou avec un poulet ou une chèvre. Non, non, ça n'a rien à voir. Non, non. Non, je suis pas d'accord avec moi-même, tu vois. Vous l'avez compris, c'est bientôt la fin de l'émission de Nuisance. L'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances, est bientôt finie ce vendredi 2 mars 2012. Encore quelques mois et c'est la fin du monde, selon les Mayas et les Incas, selon les connards surtout. Allez, vivons la fin du monde à fond. Bourrons-nous la gueule et fumons de la cigarette, de la clope, du tabac, oui, du tabac et de l'alcool. Et des enfants avec du sexe. Et n'oubliez pas le CRC, ouais. Collectif, ouais. D'information, ouais. Recherche, ouais. Cannabis. Ouais. Non, je suis pas d'accord, j'en ai rien à foutre de... excuse-moi, non, excuse-moi, je sais pas que j'en ai rien à foutre de vous. C'est juste que là, ce n'est vraiment pas le propos. Internet. Alors pas du tout. Canal Sud, Internet. Bon, pardon à tout le monde, désolé si des enfants ont entendu l'émission, je suis pardonné par moi-même. Et oui, c'est ainsi que fonctionne le monde. Quand on veut quelque chose, on se pardonne. D'abord. Et après on l'a, ouais, c'est ça. Je pardonne de vouloir, ouais. Ouais, ouais. Bah non, non, je veux pas, désolé, allez vous faire enculer. J'ai suffisamment, j'espère, pour me durer l'éternité. Ouais, l'éternité, ouais. Bon, il est où cet alcool? Bon, l'alcool. Pour revenir à la gueule de pute qui m'avait dit qu'il y avait un secret. J'ai rien compris. J'ai rien compris. C'est pas possible ça. C'est pas une gueule de pute. Non, j'ai pas dit ça non. Non mais moi c'est pas une gueule de pute. Bah il trouve un autre mot mec. C'est pas la fin. À la fin image de Dieu. Et avec quoi le secret du Vatican. J'ai peur de la fête de Dieu. Et pourquoi c'est Jésus? Je vois pas, je et ça se voit pour personne. Personne n'est égal, tout le monde est inférieur à moi. Ouais, ouais. Thank you. ivre mort, mon ami ivre mort. Fécré, arrêtez, Fécré, un peu de blague à moi. J'avais 8 ans, c'était en 70. Mon vieux con, mon beau-père. T'as aucun sens, je vais travailler 8 ans. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras gros? Eh, j'irai à la pêche ou à la soupe populaire. Ça veut dire ma chienne, mon con, tu m'emmerdes. C'est ce que je voyais tout à l'heure. Comment c'est devenu Rocky? Eh ben, et pourquoi je suis incapable de me battre avec quiconque? C'était 5 gosses qui me cassaient les couilles à chaque récré, de mon regard indifférent des autres. On m'appelait le singe et me balançait à la gueule tous les mots vulgaires interdits par les curés. Y'avait un mec qui était là qui souriait. Un jour, je vais choper le patron de la bande sur la cravate. Je les ai coursés. Sans parler, forcément, j'ai les poumons brûlés. J'ai chopé le moins rapide à la course. Je lui ai cassé toutes les côtes. Le même lui avait quitté l'école. Je les ai jamais revus. Je trouvais quand même les larmes aux yeux. J'ai peu ce que je voulais. Je visais Kerbrat, le chef de la bande. Celui qui a été le plus vite. Thank you. active bien longtemps, je suis champion de différents trucs. Champion de tir à 10 mètres. Mais j'avais un plein d'entraînement complètement minable. Allez, pas moins d'avoir le mille. Mais tout était dans le noir. Absolument tout. Le flingue était plutôt lourd, il faisait 800 grammes. J'avais que 17 ans et j'étais pas très très musclé. En plus, c'était un Luger à plomb pour pied le canon, pour mettre la bastos dedans et s'entraîner au tir. Le flingue est réglé par moi. Donc pour ceux qui veulent essayer, je mets au défi Fibre Égale du Cours d'Espionnage français. Tire d'État sommet de la série de chefs d'État de faire mieux que moi. C'était mettre dans le mille avec mon plein d'entraînement. 3 balles pour aller là où c'est le curseur. La 15e doit être dedans. C'est qui s'amuse. Ça pour la nouvelle, au GIGN. Je mets au défi quiconque de faire autant de points que moi au Scrabble. À plusieurs, à plus de deux, on devait être trois, ouais. J'ai fait au moins 343 points. Deux Scrabble placés dans ma partie. Amusez-vous. J'ai appris à jouer au billard dans un bar qui s'appelait l'Eclipse à Brest, près du port de l'armée. C'est bas, le fils de la patronne était gravé sur le redoutable. Et moi j'ai joué au billard américain avec un type qu'on a déterminé qui était de la sécurité navale. Mes plus belles parties au billard. Américains sont 2 points. Pour me battre, fallait le faire. Mais j'ai fait. Je suis champion du monde de 8 poules. Donc 8 poules. Il reste qu'une bille sur le. Sur le billard, c'est la 8. Elle est au bord du trou. Et au billard anglais, faut toujours toucher une bille. Là, j'ai demandé à Dieu de me raser le cou. J'ai visé une bande, qui a fait une deuxième bande, qui a pris la 8 et l'a rapproché du trou. Et c'est le bassin de jouer. Croyez-moi, j'avais les boules. Et j'avais vraiment les boules. j'ai appris que Jean Rinaldi, un des charlots, était mort. Paix à son âme. Mais j'aimerais que la télé nous passe. Il y a au moins 5 films des charlots. Le premier, c'est Charlot. Mais vu que j'ai tout perdu en Espagne, parce que je suis pas un quignol, donc à la télé, où vous voulez, un film de Jean Rinaldi, les Charlots font l'Espagne. Ça, je le vois toute la France. Vous êtes encore à l'écoute de Canal Sud et bientôt donc mon invité, merci encore et merci à tous les invités d'ailleurs qui ont participé à cette émission. Et nous sommes le 2 mars 2012, il est actuellement 23h38 à l'horloge de Canal Sud. Je peux même le dire, c'est la fin de Nuisance, cette émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Quelque chose à ajouter? Eh ben, bonne nuit, faites de beaux rêves et demain matin... Mais quel jour on s'amuse ? Un petit croissant pour les gosses. Ou une chocolatine. Moi, parce que moi, c'est pas en raisin. Non, parce que la compétition avec. Ça, je craque. Vous êtes à l'écoute de Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Bonne nuit. Who's back is Gina Jean. Herbs keep rolling that green and green.